techno, chronologie de ma famille, rap éclectique. Ouais, ouais, rap éclectique. En février 2010, j'allume mon ordi, je clique sur le net de la famille, apparaît du jour au lendemain. Putain, je n'y comprends plus rien, ils habitent tous dans des différentes villes, Paris, Joigny, il y en aurait même aux États-Unis. Je croyais que ma famille biologie était unie, voilà que tout le monde veut se réunir, réunir, c'est normal, c'est de la famille, chronologie, généalogie, biologie. Famille veulent se réunir. J'ai consulté l'arbre généalogique, il n'y avait que 4 familles identiques, identiques. Puis tant pis, ça fait du bien de voir de la famille se réunir. Se réunir, famille, famille. Biologie, chronologie, éclectique. Février 2010, la chronologie de la famille. Dédicace. Rap éclectique, Arnaud. 2010. Chronologie. Février 2010. Réunis.